Tu peux comme lui, tu sais. Dans la street, y'en a pas des milliers. Vol au PJ, ne parle pas ou ne fais que nier. Maladroit, quand tu faisais des sous à gauche. Je voulais faire comme les grands, mais c'était qu'un morveux. Excité de bacon, faire du sol, il avait la méthode. Mettait de côté ses affaires pour aller chercher sa petite soeur à l'école. Depuis tout petit, n'était pas à mourir pour sa tessie. Bah bang bang, pas de chapeau de paille. Mais c'est un vrai pirate comme le fil. C'est un vrai soldat, baba. On t'oublie pas, baba. On t'oublie pas, baba. Mort au combat, baba. Mort au combat, baba. C'est un vrai soldat, baba. C'est un vrai soldat, baba. Toujours là quand y'avait embrouille. Il se cachait pour fumer des clopes. Disait toujours qu'il avait rien fait. Mais il était pisté par l'hélico. Arrête de faire le con, grandis un peu. Et peut-être un jour on fera du cash ensemble. Sa daronne voulait pas le voir dans la street. Mais l'OS avait ça dans le sang. Pas grand frère, c'était le seul garçon de sa famille. Le voyait faire des vols portières quand il buta avec Amine. Ça fait pas longtemps que t'es parti, mais à la street tu nous manques déjà. Je me rappelle encore de ta tête quand t'étais défoncé sous Genja. C'est un vrai soldat, baba, on tourne.